J'ai lancé des chevaux à l'assaut des grands jours. J'ai gonflé des ruisseaux et jusque-là ils courent. J'ai entamé des brasses, des manèges à l'audace. J'ai filé des étoiles et jusque-là elles tracent. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. J'ai joué des secousses, soufflé des feux de brousse. J'ai planté des comètes et jusque-là elles poussent. J'ai donné aux rivières le chemin de la mer. J'ai détourné le cou et jusque-là j'espère. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau.